Chapitre 8. Nuit sous les branches. Encore la nuit, la vie vaste et minuscule, le mystère des forces, des lieux de forêt, le heurt des molécules et des êtres, le tâtonnement intérissable de la terre, le dressement des organismes immobiles aux veines froides, frissonnant au passage frôleur de l'air, le rôdement des faims et des angoisses et des amours, et un astre d'ambre pâle rôdant par les solitudes du firmament. Entre des blocs moussus, Vamiré a construit l'abri provisoire, couvert et fermé de grosses branches entrelacées de lianes. La forteresse est solide, et quelque fauve qui tenterait de la violer, Vamiré aurait le temps de l'atteindre mortellement par les interstices de sa pointe de sagaie imbibée d'un poison subtil et emmanchée dans une hampe de frêne. Vers le milieu de la nuit, un grattement éveilla le nomade, et il regarda. Des loups rôdent auprès de l'abri. Une panthère passe dans les constellations de l'ombre et du rayon. Cependant, des soupirs rauques s'élèvent. Vamiré aperçoit la silhouette d'un grand tigre qui dévore, vivant encore, une antilope. « Elle aime, » murmure-t-il. La férocité de la nuit entre très douce à son âme. Le mot qu'il a prononcé, c'est le nom de sa compagne. Le nom obtenu à la halte du milieu du jour, tandis qu'il la pressait de questions gesticulées. C'est la troisième nuit qu'il passe en forêt, sans que le nomade sache s'il est poursuivi ou non. La fuite a été rude, le fleuve plein de trahisons, la forêt d'embûches, mais il a tout surmonté. À cette heure, les péripéties reviennent par son crâne, mêlées au nom de sa compagne. Elem, Vamiré, le maître d'Elem. Il la contemple, endormie. Par les ajours de l'abri, c'était un flottement d'ondes pâles entrelacées de ténèbres sur le visage de la Vierge. Vamiré palpita devant le profil indéfini, reconstruisit les traits pâles. À mesure qu'il a fui, à mesure qu'il a lutté pour elle et contre elle, qu'il a accumulé les labeurs pour la ravir, elle lui est devenue plus précieuse. Le grandissement de sa tendresse a coïncidé avec des pitiés subtiles, des délicatesses de sentiments naguère inconnus. S'il est âprement décidé à pousser au bout l'aventure, s'il veut qu'elle aime malgré elle, comme malgré tous les périls, en revanche il se sent plein de miséricorde et de patience. Seule l'imminence d'un péril, la peur de la perdre ou de mourir, pourrait le porter à la brutalité du troglodyte. Et puis il a d'elle un peu de frayeur religieuse. Elle l'effare de son silence, de ses yeux larges et immobiles durant des heures, de son mystérieux prosternement devant le soleil du soir et le soleil du matin, et des paroles qu'elle dit alors, lentes, monotones et chanteuses. Des branches craquent, un pas lourd s'entend dans la clairière, les loups s'effacent. Sous les ramures, appuyés sur les colonnes rondes de ses jambes, ses défenses blanches étincelantes aux gouttes de rayons, c'est le colosse quaternaire, le grand mammouth au déclin. Quelque inquiétude l'agite, ou la fièvre printanière, un désir de se rafraîchir aux ondes du fleuve. Il avance souverainement et le tigre même recule, emportant sa proie. Vamiré, frémissant, admire la bête énorme. Il a pour elle le respect inculqué par les vieillards. Il la sait vaillante et pacifique. Il connaît l'histoire mélancolique de sa décadence. L'eau, l'eau. Elle avance encore. Sa large tête se profile plus clairement dans la demi-ombre. Vamiré distingue sa crinière et son pelage, sa trompe sombre balancée synchroniquement, ses flancs énormes. Elle rase l'abri, elle s'éloigne et s'efface dans la direction du fleuve. Et Vamiré s'accroupit, songe qu'il peut prendre une heure de sommeil encore et ferme les prunelles. Il s'affaisse, les idées s'en rêvent, puis s'éloigne et sa respiration égale marque le repos. Alors les yeux noirs de sa compagne s'ouvrent. Elle écoute la forêt, elle soupire. Un songe de délivrance la hante. Si elle osait, pendant qu'il dort, défaire les branchages de l'abri et s'enfuir vers le couchant, vers les contrées de sa tribu. Mais Vamiré sans doute l'entendrait, s'éveillerait. Elle tremble à la pensée de son cri de colère. Cependant un sourire monte sur sa lèvre, la moquerie féminine. Elle ne se sent pas uniquement une vaincue. Elle l'a vu embarrassée et timide. Elle a fait reculer le désir du barbare. Tout cela, elle le comprend presque aussi bien que les filles de l'homme qui vivront dans les lointains de l'avenir. Elle en a la science confuse et subtile. Par là, sa frayeur se mêle d'indulgence, sans que pourtant elle puisse oublier ceux avec qui a poussé son enfance, les êtres de sa race et sa famille, et les jeunes mâles qui parlent sa langue. Ah, si elle osait! Mais plus encore que de la colère de Vamiré, elle a épouvante des embuscades féroces qui l'entourent, de la grande forêt carnivore. Elle se figure sa débilité sans la massue et la sagaie du ravisseur.